engins, donc je pense qu'on va faire. Ah, on amènera des guitares, tiens. Une fois on est parti, on a dormi dans les voitures tous les soirs. J'avais amené une strato avec mon petit microcube, et les gens qui passaient rigolaient bien. T'imagines, deux guitares électriques avec des petits amplis à pile, c'était sympa, tu vois. On a rameuté tous les musiciens de la cano. Y'en avait des bons, alors je l'aurais filé ma guitare. Un soir on était dans un super camping-car. Le mec avait invité tout un tas d'inconnus. Je te dis pas ce qu'on a fait. C'était sympa, ça faisait beaucoup de fumée, certes. Mais qu'est-ce que c'était cool. Ah oui, j'aime bien aussi à la cano. Comas, je te verrai peut-être un jour à la cano. Ciao. Et je voulais dire, les bordelais, ils sont sympas.